بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد رأينا فيما مضى بابا في التحريض على طلب العلم. On a vu précédemment un chapitre concernant l'incitation à l'apprentissage de la science. وطلب العلم عبادة. L'apprentissage de la science est un acte d'adoration. لذا يجب على المرء أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى. Et c'est pour cela qu'il est obligatoire à l'individu d'accorder, donc de faire attention à son intention, qu'elle soit exclusive à Allah تبارك وتعالى lorsqu'il apprend sa religion. Tu n'apprends pas ta religion pour les gens. Tu apprends ta religion pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous dit dans son livre « Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa » Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah de façon exclusive. De façon exclusive. Et donc, « hunafa » le fait de se tourner vers Allah Tabaraka wa Ta'ala et de rejeter toute autre divinité. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dis, certes mes prières. En nusuk, certains savants du tafsir, ils voient que ce qui est voulu par en nusuk, c'est les rites du hajj. Certes mes prières ainsi que mes rites du pèlerinage. D'autres savants, ils voient que en nusuk, ce qui est voulu par là, c'est donc, l'ibada, l'adoration de façon générale. Et donc Allah, il a d'abord cité la prière par rapport à son importance, et ensuite l'adoration de façon générale. Et d'autres savants, ils voient qu'un nusuk, c'est les bêtes qu'on va sacrifier. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Et donc toute ma vie et ma mort, tout cela est voué pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc tu étudie la science pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'après ce chapitre, l'auteur il nous cite un chapitre très important. Babu at-tajdidi fi talab al-ilmi lil-mira'i wal-jidal. Et donc chapitre concernant la dureté. La dureté face à l'apprentissage de la science pour le débat douteux et le débat dans le faux. Et donc le fait que cette personne va débattre, elle va apprendre la science afin de débattre avec les autres, afin de se mettre en avant dans le débat, cette intention n'est pas correcte. Tu apprends la science anta tatlubul ilm min ajli an ta'mala bihi. Tu apprends la science, c'est pour œuvrer avec. Ce n'est pas pour débattre avec les gens. Ça me rappelle un étudiant que j'avais rencontré à Médine qui me disait « Ah, j'aime trop le débat. » Dès qu'il cherchait, dès qu'il pouvait débattre sur un sujet, il fallait qu'il vienne débattre. Les ablutions. Allez, on va débattre aujourd'hui. Une fois il est venu, on va débattre sur les ablutions. Est-ce que c'est obligatoire, donc, de faire « El-Madmada wal-Istinshak » Allez, alors que lui-même, à chaque fois, je l'ai vu, à chaque fois qu'il fait ses ablutions, il fait le « Madmada wal-Istinshak » Mais là, il voulait juste débattre. Juste débattre. Parce qu'il aime ça. À tel point qu'une fois, je l'ai vu débattre avec un talib sur la masturbation. Il n'y a pas de preuve que la masturbation, c'est interdit. Et donc, les frères, il faut vraiment qu'on fasse attention à notre intention lorsqu'on apprend notre religion. Il nous dit l'auteur, rahimahullah, An Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu kol, kol Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man talab al-ilma li yujariya bihi al-ulama, aw yumariya bihi al-sufaha, aw yasrifa bihi wujuha al-nasi ilayhi, أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارِ رَوَاهُ التِّرْمِذِي. Et donc selon Ka'b ibn Malik, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui étudie la science afin de débattre avec les savants, ou alors pour débattre de façon douteuse avec les ignorants, ceux qui évoluent par soufra, ici ce sont les ignorants, ou alors pour attirer le regard des gens vers lui, Allah le fera rentrer dans le feu, rapporté par At-Tirmidhi. هذا الحديث أيها الإخوة في إسناده إسحاق ابن يحيى ابن طلحة. Il y a dans la chaîne de transmission Ishaq ibn Yahya ibn Talha, et cet individu, donc il est faible, huwa da'if. Lakin al-hadith lahu shawahid. Cependant, ce hadith, il a été rapporté par d'autres chaînes de transmission qui montent à d'autres compagnons que Ka'b ibn Malik. Par exemple, on a donc parmi les autres compagnons, on a Mu'ad, on a Omar, Abu Huraira, Jabir, Anas et d'autres compagnons, beaucoup de chaînes de transmission. Et donc, c'est ça qui a fait que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a jugé ce hadith authentique en rassemblant donc les chaînes de transmission, en jugeant qu'elles se renforcent mutuellement. Et ça nous montre le danger de cette situation, ô chers frères. Le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il nous dit, donc dans l'explication de ce hadith, concernant la parole « Adkhalahu Allahu an-nar », Allah il fait rentrer cette personne dans le feu, il nous dit « Anna al-ilma lam yunazzal lidhalik », car la science, elle n'a pas été descendue pour cela. La science n'a pas été descendue pour que tu débattes avec les gens à droite à gauche. « Wa innama nuzzila lil'amali salih wal-ikhlasi liwajhillah wat-tawadu'i wa naf'i an-nas ». La science, elle a été descendue afin d'accomplir de bonnes actions, afin d'accorder un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala, d'agir avec humilité et d'être profitable aux gens. Et donc, ô chers frères, la shakka anna talab al-ilmi min afdal al-ibadat. Le fait d'étudier la science, il n'y a nul doute que cela fait partie des meilleurs actes d'adoration, comme on l'a vu précédemment. وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الظُّهُورُ. Celui dont son intention, c'est le fait d'être mis en avant, c'est le fait que les gens le mettent en avant. فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ النِّيَّةِ لَيْسَ فِيهَا إِخْلَاصُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Cette intention, il n'y a pas dans cette intention le fait d'accorder un culte exclusif pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et n'oubliez pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le hadith Qudsi: Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk. Je suis celui qui me passe le plus de l'association. Faman 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Alors celui qui a accompli un acte dans lequel il m'accorde un associé, je le délaisse, lui et son association. Et donc, il est important, si tu ne veux pas que Allah tabaraka wa ta'ala te délaisse, quand tu étudies la science, il est important que tu lui accordes un culte exclusif, tabaraka wa ta'ala. Et aussi l'auteur qui nous dit, donc le hadith numéro 128, « Wa'an Abi Umama radiallahu anhu marfu'an » Mais dans les communs, barda houdan kenu alayh, illa outul jadal. Thumma tala kaulahu ta'ala, ma darabuhu laka illa jadala, bel hum kaumun khasimun. Selon Abi Umama radiallahu anhu, la parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun peuple ne fut égaré après avoir été sur la guidée, sans que le débat, el-jadal, c'est le débat dans le faux. El-jidal, ça peut être le fait de débattre pour le faux ou de débattre pour le vrai, pour défendre la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala qui ordonne son prophète, wa jadilhum billati hiya ahsan, et débat avec eux de la meilleure des façons. Ici, el-jidal. Mais el-jadal, c'est le débat dans le faux. Le fait que tu débats pour une raison qui est fausse. mais tu veux juste chercher à défendre ta position. Et donc, aucun peuple ne s'est égaré après avoir été sur la guidée sans que El-Jedel, le débat dans le faux, leur fut donné. Puis il a récité, sallallahu alayhi wa sallam, la parole d'Allah, « Ma darabouhu laka illa jadala » Ils ne t'ont cité cela que par pur esprit de débat, que pour débattre dans le faux. « Belhum qawmun khasimun » Mais ce sont des gens qui débattent beaucoup. Et donc, ô chers frères, lil ulama qawlan fi hadha al-hadith. Il y a donc deux paroles des savants dans l'explication de ce hadith. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ يُسْتَفَادْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْعَمَلَ بِالْعِلْمِ مَنْ تَرَكَ السُّنَّةِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا إِبْتَلَاهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْجَدَلِ. Parmi les savants, il y en a qui disent celui qui délaisse la science, qui délaisse le fait d'œuvrer avec la science, il délaisse la sunna, il s'égare. Alors, à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala va donner à ces gens-là, il va les éprouver par quoi ? Par le débat dans le faux. Ils se sont égarés, et donc à chaque fois, ils vont débattre dans le faux. Et d'autres savants, ils disent, « El-Mourad, an-al-jidel, ou an-al-jidel, min esbab ad-dalal. » Il nous dit ce qui est voulu, c'est que le débat dans le faux fait partie des causes de l'égarement. C'est-à-dire que les gens, ils sont sur la guidée, hum ala huda. Thumma yujadiluna bil batil. Après cela, ils vont débattre dans le faux et à cause de ce débat, ils vont donc s'égarer. À cause de ce débat. Wa la shakka ayyu al-ikhwa anna hadha manhiyun an. Et il n'y a nul doute au chef frère que cela est interdit, le débat dans le faux. Cela donc va causer l'égarement de la personne. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Et lorsqu'ils se sont égarés, et lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Et donc, il est important, aux chers frères, qu'on ne défende pas le faux. Malheureusement, à notre époque, on a beaucoup de personnes qui s'affilient à la sunna, mais qui vont défendre le faux, ils vont défendre leur cheikh, par exemple. Ils vont défendre leur cheikh et ses positions dans le faux, en sachant que ses agissements sont faux. Wa al-jidal ayyu al-ikhwa min asalib al-kuffar ou al-jadal. Et donc, ô chers frères, le débat dans le faux fait partie des méthodes utilisées par les incroyants. Lorsqu'ils veulent repousser l'islam, la vérité de l'islam, ils vont débattre dans le faux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité comme exemple. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Quraysh au tawhid, lorsqu'il les a appelés à adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul, et qu'ils ont refusé le tawhid, Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Certes, vous et tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, vous êtes le combustible, vous serez le combustible du feu et vous allez tous y rentrer dans le feu. Donc vous et les divinités que vous adorez. Et donc ici, les polythéistes, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont voulu débattre dans le faux. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les polythéistes ? Ils ont dit « Nahnu na'budul malaika » Nous, on adore les anges. « Wal yahoud ya'buduna uzayran » Les juifs, ils adorent Uzayr. « Wal nasara ya'buduna Isa » Et les chrétiens, ils adorent Isa. Eux aussi, ils vont dans le feu. Et donc, ils savent très bien, ils savent pertinemment que leur argumentation est caduque. وَيَعْرِفُونَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَرَّأَ عِيسَى مِنْ ذَلِكَ. Ils savent très bien que Allah tabaraka wa ta'ala donc a innocenté Isa du polythéisme que les gens ont fait. Et que Isa, il fait partie des gens du paradis des meilleurs des prophètes. Ils le savent très bien. Mais ils n'ont voulu que le débat. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité cette parole. Donc, ils ne t'ont cité cela que par esprit de débat dans le faux. Et donc, ils savent très bien que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, il cite tout ce que vous adorez, vous et ce que vous adorez, donc vous êtes voués au feu, c'est-à-dire vous, ainsi que vos divinités qui vous ont appelés à l'adoration. Ceux qui appellent les gens à les adorer. Mais sinon, Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas, il est celui qui est le juste. Et donc, il n'y a nul doute que Isa et tous les autres pieux font exception de ce verset, ne sont pas cités ici. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, après cela, il a fait descendre sa parole. Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Certes, ceux à qui nous avons donc écrit, certes ceux pour qui nous avons écrit, certes ceux à qui nous avons accordé al-husna, le paradis, ceux-là en sont écartés. Ils sont écartés de quoi ? De l'enfer, du feu. Ils n'y rentreront pas. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala a déjà écrit pour eux le paradis. Parmi eux, Isa alayhi salam. Et donc, ô chers frères, il est important de comprendre que ces méthodes utilisées pour débattre dans le feu, dans le faux, sont les méthodes des kuffars. Les méthodes des kuffars. Il est interdit aux musulmans d'utiliser cela. Il est interdit aux musulmans de débattre dans le faux pour défendre quelqu'un. Pour défendre quelqu'un à qui, sur qui une sentence doit s'appliquer. C'est interdit, ça. C'est interdit. Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans son livre ? Il nous dit « Wa la tujadil anil ladhina yakhtanuna anfusahum. Inna Allah la yuhibbu kulla man kana khawwanan afima. » Et donc, ne débat pas pour ceux qui ont trahi leur propre personne. Parce qu'ils ont trahi la communauté. Et donc, ils ont trahi leur propre personne. Certes, Allah n'aime pas les traîtres. Afiman, ceux qui font, donc, certains savants nous disent, beaucoup de péchés. Ou alors, les grands péchés. Ou alors, comme dans Tafsir ibn Sa'adi, Al-Ithm, Al-Ladhi Yatarattabu Alayhi, Ukuba Shar'iyya. Le péché qui est lié à une sentence législative. Comme Al-Qadhf. Ne débat pas concernant ces personnes, ne débat pas pour les défendre. Une personne qui vole, une personne qui ment, une personne qui insulte les musulmans, qui traite les musulmans, qui traite une personne de fornicateur, tu vas débattre pour le défendre. Là, tout j'ai dit, ne débat pas. Yastarfouna minan nasi, wala yastarfouna min Allah. Il cherche à se cacher des gens et ne cherche pas à se cacher d'Allah. Ça fait partie des plus graves caractéristiques qu'ils ont, le fait d'avoir peur de ce que les gens vont dire d'eux. Plus que le fait d'avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa ma'hum. Idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Et certes, il est avec eux, tabaraka wa ta'ala, lorsque, donc, ils vont cacher ça, les paroles qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas, dont il n'est pas satisfait. Inna Allah kana bima ya'maluna muhita. Certes, Allah cerne pertinemment ce qu'ils font. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit, tabaraka wa ta'ala? Ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayati dunya. Est-ce que c'est vous qui avez débattu pour les défendre ici-bas? Est-ce que c'est vous, des écrits à droite, à gauche, pour défendre notre chair? C'est vous! Vous avez débattu pour les défendre ici-bas. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Qui va débattre avec Allah pour les défendre يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Qui va débattre avec Allah tabaraka wa ta'ala pour défendre les injustes. Et donc il est important, cher frère, barakallahu fikum, utruku hadha, délaissez le débat dans le faux. Restez avec les règles de votre religion. Ne cherchez pas à défendre une personne parce qu'on l'aime ou autre, ou à défendre un groupe, ou à défendre une origine. Non. Tu défends la vérité. tu défends la vérité. Et aussi l'auteur qui nous dit, rahimahullah, le hadith numéro 129, toujours dans le même sens. An Aisha radiallahu anha, قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. Selon Aisha رضي الله عنها qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, certes les hommes que Allah déteste le plus, ce sont ceux qui débattent beaucoup et qui sont expérimentés dans cela. الألد, celui qui va beaucoup débattre. Al-Khasim, celui qui est expérimenté dans cela. Il va beaucoup débattre dans le faux, et en plus de cela, il est expérimenté dans cela. Il va donc égarer des gens. À cause donc de ces débats qu'il fait. Et donc, oh chers frères, cette méthodologie ne fait pas partie de la méthodologie des pieux prédécesseurs. Le fait de débattre dans le faux. Accroche-toi à la vérité et délaisse cela. Et délaisse le débat dans le faux. Et Serge Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, Hafizahullah, quelle est la cause qui fait que ces gens-là sont les plus détestés d'Allah? Il nous dit, لِأَنَّ قَصْدَهُمْ لَيْسَ الْحَقِّ. Il nous dit, parce que leur intention à ces gens, ce n'est pas la vérité. Ton intention, c'est que tu recherches la vérité pour Allah tabaraka wa ta'ala. À partir du moment où leur intention n'est pas le fait de rechercher la vérité, de la même façon que le font les incroyants, alors Allah tabaraka wa ta'ala les déteste. Le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui, inshallah ta'ala, la parole, donc le hadith numéro 130, An Abi Wa'il An Abdillah, radiallahu an, qui nous dit, Man talab al-ilma li arba' dakhala an-nar. Celui qui rentre, celui qui étudie la science pour quatre raisons, alors il rentre dans le feu. Ou nahwa hadhihi al-kalimah, ou alors une parole qui ressemble à celle-ci. La première raison, liyubahi bihi al-ulama, afin de débattre avec les savants, comme on a cité précédemment. Ou liyumari bihi sufaha, ou alors le fait de débattre donc de façon douteuse avec les ignorants. Débattre de façon douteuse, ce qui est voulu par là, c'est le fait de débattre sur un sujet douteux. Tu mets le doute à la personne avec qui tu débats et tu te mets le doute à toi-même. Voilà ce qui est voulu ici. Troisième raison, Aouli yasrifa bihi wujuha an-nasi ilayhi, afin d'attirer les gens vers lui. Il étudie la science pour que les gens disent Mashallah, Foulen, on l'aime bien, Foulen. Etc, etc. Ou alors la quatrième raison, Aulia khudabihi minel umara, afin d'utiliser cette science pour prendre des bienfaits des gouverneurs. Afin que les gouverneurs, les personnes qui ont de la responsabilité, lui donnent de l'argent, afin d'atteindre donc les délices de ce bas monde. Le fait d'étudier la science afin d'atteindre les délices de ce bas monde, un emploi ou autre. Et donc, oh chers frères, on doit faire attention à notre intention. Tu apprends ta religion, lillahi tabaraka wa ta'ala, hifzul Qur'an, la mémorisation du Qur'an, fahmuhu, la compréhension, hifzul ahadith, la mémorisation du ahadith, la compréhension, hein, le fiqh, etc., etc., tout cela, tu le fais lillah. Tu le fais pour personne, ni pour aucun poste. Ni pour aucun poste. Ça, c'est très important. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On continue ce même chapitre. Donc, demain, bi'idhnillahi ta'ala, wafakallahu al-jami' li kulli ma yuhibbuhu allahu wa yardah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan.